ça commence par vouloir ressembler aux aînés. La graine de café au cou, scalapote, les aroubis ont fini engrainés. Aussi vite qu'on fout le nez dehors, les années passent, on se trouve coincé dans la même galère. Le jour on parle, on prend la nuit, on rêve de dollars. À force d'y penser trop fort, nos bras finissent dollars. La vie est précieuse, non pas un film. Chaque frère de perdu nous laisse infirme. Mon entourage formé comme un seul corps, des hommes de tête aux bras droits, pas de pieds tendres. Paix à nos membres, pénétrés par la lumière, nos cœurs ne demandent qu'à aimer. Mais dans la vie y'a de la guerre, cette maléfique s'en domine. Beaucoup d'ennemis, parmi eux trop de Tommy. On sent que la rage dans nos abdomens. Homme de l'eau, homme de l'eau, caché dans les croissants. Moi c'est hors des lieux, sort. Homme de l'eau, je ne sais, homme de l'eau, on prend ses sons. 92 artisanal, homme de l'eau, caché dans les coissons. Moi c'est hors des lieux, sort. Homme de l'eau, je ne sais, homme de l'eau, on prend ses sons. 92 artisanal. Il nous laisse même pas le temps de boire un fantasy. On veut des chiffres en hommes pour être dans notre fantasy. Les attaques, les autres soleils se placent. Certains forment des staffs de bandits et vivent de grâce. De chasse tendue, on a brandi les pour affronter les chichis. Qui se la raconte les chichis? De salopes, des pichines, les man clean. On représente aujourd'hui les vrais sortes, le pur produit de l'urbe. Là, les auteurs dits d'interdits qui claquent sur internet. Par intérêt, comme dirait Chacha, un de mes frères Zen. Salaza, Sing, Snorce pour les gros. Les masses, les gros, les victimes et les pros. Homme de l'ombre, homme man de homme de l'ombre, caché dans les croissants. Moi c'est hors des lieux, sobre. Homme de l'ombre, je ne sais, homme de l'ombre, on prend ses sons. 92 artisanal, homme de l'ombre. Homme de l'ombre, caché dans les croissants. Moi c'est hors des lieux, sobre. Homme de l'ombre, je ne sais, homme de l'ombre, on prend ses sons. Homme de l'ombre, si ça marche pas j'arrête. Écris sur mes pages à la barrette, je viens de dehors. Tout ce que je touche devient de l'or. Épuisé, relou de s'épuiser, pour rien vous comprenez pas ou quoi. J'ai pas que ça à faire au noir. Le voile et tout ça, j'ai lâché, préfère détourner. Mais si t'achètes pas, mais c'est que de frère, je devrais retourner. J'ai pas envie, et puis ça me prend la tête, ça me gonfle. Je veux des lingots et puis une pute à côté de moi quand je ronfle. Bouger à New York City, quitter les hautes scènes, dispositif, bifton dans l'objectif, fils. 6 millions de dollars ou de francs, je m'en fous pour être franc, tu sais. Du moment que j'ai du cash, monnaie. Et à l'école, ils me disaient de lire, ils voulaient m'enseigner que j'étais libre. Va te faire niquer, toi et tes livres. On se débrouille des négros, des crouilles, des couilles, des embrouilles et trop de numéros d'écrou. Écoute, on m'a détruit, déporté de gorée. Pendant que les truies font des portées de porc, d'or et d'argent. Mon chrome au clan, mes agents, le froid du chrome sur la jambe. Souffle, le monde est flingué, je m'en bats la race, car je sais que ça va sauter jusqu'en Alaska. Je suis un de ces hommes de l'ombre, aux pensées sombres. 92 artisanal, homme bon. Homme de l'ombre, caché dans les croissants. Moi c'est hors des lieux, sobre. Homme de l'ombre, je suis un de ces hommes de l'ombre, aux pensées sombres. 92 artisanal, homme bon. Homme de l'ombre, caché dans les croissants. Moi c'est hors des lieux, sobre. Homme de l'ombre, je suis un de ces hommes de l'ombre, aux pensées sombres. 92 artisanal, bon.